Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, al-fasl al-thalith. Qawa'idun fi adillati al-asma'i wa-sifat. Le troisième chapitre de cette risala, al-qawa'id al-mutla, c'est sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fashaykh rahimahullah dans ce kitab, awwalan, il a cité des règles concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette règle, wa taqaddamat ma'ana. Thumma, ba'da dhalik, dhakara, cette règle concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqaddamat ma'ana kadhalik. Et à partir d'aujourd'hui, on commence le troisième chapitre. Et il a cité, rahimahullah, quatre règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez que certaines choses, on les a vues ensemble. Enfin, on ne détaillera pas. Et d'autres choses qu'on n'a pas encore vues, enfin, inshallah, on essaiera de simplifier, de clarifier. قال رحمه الله القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما هذه هي القاعدة تقدمت معنا في الأسماء وكذلك في الصفات أي أن الأسماء والصفات توقيفية أي الإثبات يكون بالقرآن وبالسنة الصحيحة فقط هذا معنى هذه القاعدة وتقدمت On l'a vu dans la, une des règles dans les noms et une autre règle dans les attributs. وتقدم معنى التنبيه أن قوله عليه رحمة الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي الصحيحة الثابتة أما حديث ضعيف فسي با une preuve pour affirmer un nom ou un attribut d'Allah عز وجل قال رحمه الله على هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده نعم أي si on a un dalil من القرآن أو من السنة أن tel nom fait partie des noms d'Allah عز وجل فنقول أن الله سبحانه وتعالى إلى tel nom وهكذا الصفات والنفي نفس الشيء أي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فننفيه لكن هنا هي une précision وتقدمت معنا في قواعد الصفات أن مجرد النفي c'est pas du كمال فلا بد من إثبات كمال الضد لماذا لأن الله عز وجل موصوف بالكمال et quand on fait du نفي كذلك c'est du كمال فالله سبحانه وتعالى لا يموت لماذا؟ لأنه كامل الحياة عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لماذا؟ لأنه على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا لماذا؟ لأنه كامل العدل سبحانه وهكذا donc quand on fait du navi فلا بد نثبت كمال الضد et tu verras que si cette chose elle est manifiée avec le Coran ou avec la Sunna automatiquement il y aura un dalil qui prouve kamal al-dhib هذا لا بد اما dans le même dalil وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا يموت c'est du nafi tu as l'ithba juste avant الحي اما dans un autre dalil فهذا لا بد منه هذا c'est compris لان هذا الحمد لله on l'a déjà vu dans les قواعد والصفات قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما أو فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. أما هذا ce point important, on en avait parlé قليلا dans le درس précédent ou dans certains دروس, أن النفي أو ما لم يرد كما قال هنا إثباته ولا نفيه فهي en تفصيل. Une chose, un لفظ. تأملوا قوله وجب التوقف في لفظه. الآن نتكلم عن اللفظ. المعنى سيؤتشل سيأتي معنا التفصيل. أما التوقف على اللفظ أو في اللفظ بلوتو. مثلا un لفظ c'est quoi? C'est un mot. سيأتي معنا الإكزامبل دو الجهة. الجهة c'est un لفظ en arabe. C'est un لفظ c'est quoi? C'est un ensemble de lettres qui forme une معنى. Un mot. فالجهة c'est un لفظ. Pour l'instant, Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il n'a pas parlé de le معنى. Le sens de الجهة. الجهة c'est la direction. فهنا قال, on revient au لفظ فقط, sans parler du sens. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما. فيهما أي في القرآن أو في السنة. Un لفظ, un mot, il n'est pas cité dans le Coran, il n'est pas cité dans le Sunna, et en tant qu'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada, wajaba tawakuf fi lafdhi. Ça c'est la première chose. Al-lafd, mathalan, al-jiha, la direction, on ne dit pas c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et kadalik on ne dit pas ce n'est pas un attribut d'Allah azza wa jal. La ithbat wa la nafi. Yahada la tawakuf, on dit Allahu a'lam. Limada li annahu, il n'est pas cité fi le Coran, ou fi le Sunna. هذا أولا. ثانيا قال فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. C'est la raison. لماذا؟ لأنه on n'a pas de preuve. وتقدم معنا كثيرا أن هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات c'est un باب توقيفي. لماذا؟ لأنه يتعلق بمسائل غيبية. Vu que c'est des choses de l'invisible, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous c'est de l'invisible, c'est min umur il ghayb. Fafi hadha al-bab, on n'a pas le droit de parler bi al-aql ou bi l'ijtihad ou bi qil ou qal. Hadha al-bab, c'est un bab tawqif mahd. On a un dalil, on parle. On n'a pas de dalil, on ne parle pas. Wa hadha taqaddam ma'ana fi al-nafi wa fi al-ithbat. Et huna dans cette règle, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a ajouté une chose. Un lafd, un attribut qui n'est pas cité dans le Coran ou dans le Sunnah, la ithbatan ou la nafian, fana tawakaf. On ne fait pas d'ithbat, limada li an Allah ma athbata ou nafsi, on ne fait pas de nafi, limada li an Allah ma nafa. On ne dit pas Allah, subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la al-jiha, la direction, et on ne dit pas il ne l'a pas. Allahu a'lam. Hada awalan. Et huna un tambih muhim. نبه عليه المؤلف نفسه رحمه الله في الشرح بقوله dans le الشرح قال هذا إذا لم يكن ذلك الاسم أو bien sûr هنا الصفة دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال. هنا ce point il est important. أما un لفظ دال على النقص أو على نقص, un mot, une sifa, qui n'est pas cité dans le Coran ou dans le Sunna, mais c'est du naqs. C'est du naqs. Fafi hadha al-hal, la naqul la nuthbituhu wa la nanfih. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de dalil. La bal nanfih. Limada li annahu, c'est du naqs. Et vous vous rappelez, on a vu ensemble une qa'ida muhimma fi as-sifat, et kadhalik fi al-asma. Anna asma Allah azza wa jal husna. كلها حسنة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Et on a vu une autre règle في الصفات, أن صفات الله عز وجل كاملة من كل وجه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Donc ces deux règles, ça montre bien que les attributs d'Allah, c'est des attributs parfaits. تستفيد من هذا أن النقص فلا يثبت لله عز وجل بل ننفيه وجوبا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى il a le وصف الأعلى et il أكمل. Donc quand on a un mot et ce mot il renferme comme sens, comme signification, un défaut, un manquement, une imperfection, quelque chose de négatif, فننفيه مطلقا. لماذا؟ لأن on a une règle. On revient à ce kalam الآن. Si vous avez compris هذا, فهذه الألفاظ que Cheikh Ibn Uthaymin الآن il parle, c'est des alfaz, c'est pas du naqs mahd. Et c'est pas une imperfection à 100%. لماذا؟ لأن on n'aurait pas détaillé هكذا, on aurait dit là. On peut pas dire Allah subhanahu wa ta'ala il a هذا et لابد من نفيه. On aurait été obligé de dire Allah il l'a pas. لكن هذه الألفاظ تحتمل هذا وهذا. مثلا الجهة. Ça peut être la perfection si tu parles de au-dessus. Et ça peut être quelque chose de négatif si tu parles d'en dessous. Wa sayati mithal Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi. Donc c'est هذه الألفاظ المراد بها. هنا. C'est un lafz, un mot. Tu peux comprendre quelque chose de positif ou négatif. Perfection, imperfection. Ou hakada. أما les mots, الألفاظ التي تدل على النقص محض هذه ننفيها أو ننفيها عن الله عز وجل مطلقا. Ça c'est une remarque importante. Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, il l'a cité في شرحه. Celui qui veut la noter هنا c'est مهم. قال رحمه الله وأما معناه. Ça c'est le deuxième point. Le premier point donc اللفظ. Donc لا ننفي ولا نثبت si on n'a pas de délit. Si c'est du naqs, bien sûr, fananfi. Mutlaqan. Amma le ma'na, le sens, qala, fayufassal fihi. Le sens, on n'accepte pas, on ne rejette pas, lakin, nufassal. Ay, qu'est-ce que c'est le sens, c'est quoi le sens de ce mot? Avec le mithal, ça va être clair. Qala, fa'in urida bihi haqqun yaliqu billah, ta'ala, fahuwa maqbul. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. أما si le sens il est correct, il est صحيح, فكما قال شيخ ابن عثيمين c'est مقبول. أي le sens il sera accepté. Ça ne veut pas dire qu'on va dire que ce mot c'est une صفة d'Allah عز وجل. لا. لكن le sens il sera مقبول. Et tu trouveras une صفة d'Allah عز وجل qui a ce sens ربما. يأتي معنا avec الجهة العلو. أما si le sens de ce mot c'est du naqs, fawajaba raddu. On dit an Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu an an-naqais wal 'uyub. On affirme, on éclaire an Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas cet attribut. Limadha? Li'anna c'est une imperfection. Qala fa mimma warada ithbatuhu lillah. Avant de citer l'exemple dans ce point qui nous intéresse akthar dans cette qa'ida, li'anna le reste on l'a déjà vu, Cheikh Ibn Uthaymin il a cité des amthila. Ay fi al-ithbat fi an-nafi, thumma il va citer un mithal, un mot. On n'a pas un délit à l'ithbat. Et on n'a pas un délit à l'nafi. Et il va détailler. فنقرأ هذه الأمثلة وتقدمت معنا كثيرا. قال فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن والتزام. Cette règle تقدمت معنا وفي الصفات تقدم معنا كذلك أن أسماء الله عز وجل دالة على أوصاف كاملة. Chaque nom il englobe un attribut. Donc ism al-aziz mathalan, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa la shak annana sanuthbit sifat al-izza. Limadha? Li'anna on a un ism qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala il a al-izza, fa on dira Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifat al-izza. Et ma yata'allaq bil mutabaqa wa at-tadammun wa al-iltizam, fa on l'a détaillé wa lillahi al-hamd ensemble dans une règle. Qal wa minhu kullu sifatin dalla 'alayha fi'lun من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. هذا كذلك تقدم. أي الأفعال الله سبحانه وتعالى لا ستي في القرآن أو في السنة أنه يجيء أنه استوى أنه ينتقم من المجرمين إلى آخره فتسن ثبته لله سبحانه وتعالى. Et c'est la règle qu'on a vu il y a quelques jours, أن الصفات إما تثبتها avec un lafz صريح, une صفة claire qui est citée, Emma, un nom qui englobe une sifa, emma un fi'l. Emma un fi'l. Voilà, c'est cette règle. فعلى كل حال نثبت هذه الصفات. قال ومنه الوجه. Et ce صفات dont الدليل سامونتخ ان فعل سي دي صفات فعليه كما on a détaillé ensemble ولله الحمد. قال ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. نعم. Que ce soit des صفات فعليه او ذاتيه. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité cet exemple pour montrer que نثبت الصفات الفعليه et نثبت الصفات الذاتيه. قال ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. صفة الكلام on a plusieurs أدلة, صفة المشيئة on a plusieurs أدلة, وما تشاءون إلا أن يشاء الله, وصفة الإرادة on a beaucoup de preuves. هنا إلى ستة رحمة الله عليه أن الإرادة تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية, فنثبت لدو لله عز وجل. قال في الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. هذا سيأتي إن شاء الله dans certains دروس في شرح الواسطية أو في شروح الطحاوية العلماء يدتاي هذا, لكن لا بس أن نكسبك قليلا. لماذا؟ لأن شيخ ابن عثيمين إلى ستة هذا التقسيم. فالله سبحانه وتعالى نثبت له صفات الإرادة, صفة الإرادة أي سرع فولونتي. الله سبحانه وتعالى يريد. هذه الإرادة elle peut être كونية أو شرعية. الإرادة الكونية ça vient du mot كون, et الشرعية ça vient du mot شرع. فقال رحمة الله عليه فالكونية بمعنى المشيئة. الكونية بمعنى المشيئة. فقوله ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها, فالإرادة الكونية في الحقيقة المشيئة سلام يمشوز. والشرعية بمعنى المحبة. الشرعية بمعنى المحبة. Pour différencier entre ces deux إرادات c'est très très simple. Tu as certaines différences. الإرادة الكونية تحصل ولا بد. الإرادة الكونية تحصل ولا بد, أي إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كونا فيحصل لا محالة. هذا هو الأول. contrairement à l'irada الشرعية, الله سبحانه وتعالى il peut vouloir une chose شرعا لكن cette chose n'arrive pas. En détail أكثر, فالله سبحانه وتعالى أراد كونا أن كل نفس ذائقة الموت. هذا إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. Est-ce que quelqu'un va sortir de cette إرادة؟ مثلا est-ce que quelqu'un ne peut ou peut plutôt ne pas mourir أبدا؟ المسلم يموت والكافر يموت. الإنس يموت والجن يموت. Donc ça c'est une إرادة كونية. Ça arrive لابد. الإرادة الشرعية الله سبحانه وتعالى أراد من عباده الإيمان والصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع العبادات. الله سبحانه وتعالى il veut que chaque être humain y croit et il fasse salat et la agri. فلهذا il a envoyé des messagers et il a révélé des livres سبحانه. Est-ce que tout le monde fait salat? لا. Est-ce que tout le monde croit en Allah subhanahu wa ta'ala? La. Est-ce que tout le monde unifie Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi? La. Donc ça c'est une irada shar'iyya. Allah subhanahu wa ta'ala yurid dhalik, lakin ça n'arrive pas forcément. Wa la naqs fi hadha. Il ne faut pas mélanger huna, lian Allah subhanahu wa ta'ala yurid hadha ash-shay', il a une hikma 'azima que certaines personnes ils n'appliquent pas cette volonté. C'est pour ça que Allah il a créé le janna wa an-nar. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le muslim et le kafir li yabtali le muslim bil kafir. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala shara' al hudud li pen ila akhri. Et on a déjà détaillé hada kathira. Ça c'est la première chose, la première différence. Anna al kawniya, la volonté kawniya, il traduit par universel, elle arrive toujours. Et al kawniya al shara'iya, elle peut arriver, elle peut ne pas arriver. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. La deuxième différence, أن الإرادة الكونية الله سبحانه وتعالى قد يحبها وقد لا يحبها. Al-irada al-kawniya, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut l'aimer, cette chose qu'il a voulu, et il peut détester cette chose. Fa-mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, arada min ba'd al-nas, annahum yakfuru. L'hikma azima. Ça, c'est min iradatihi al-kawniya. Il l'aurait pas voulu, azza wa jalla, ça serait jamais arrivé. Lakin, est-ce que Allah il aime cette chose? Abadan. On peut se demander, mais pourquoi il l'a voulu, pourquoi il l'a créé? Li-anna, il y a une sagesse énorme. Et on l'a déjà détaillé, At-Tawbah, Al-Jihad, l'enfer, le paradis, et l'akhir. Amma al-irada al-shar'iyya, fa'Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Al-irada al-shar'iyya, c'est lié à la religion, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Had-Din. C'est pour ça qu'il l'a révélé à ses messagers, pour qu'il le montre aux ibad. Fa'Allah subhanahu wa ta'ala, arada shar'an al-salat. Waqabla dhalik al-iman, wa tawbah, ila akhir. Et Allah, il aime ces choses. Allah il aime Tawba, il aime l'Iman. Al-irada al-shar'iyya, Allah il aime. Al-irada al-kawniya, il peut l'aimer et il peut ne pas l'aimer. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu l'existence de Iblis. Irada al-kawniya. Est-ce que Iblis, Allah il aime? Là, il le déteste. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu l'existence de notre prophète Muhammad aïssa wa salam. Est-ce qu'Allah il aime? Là. Vous avez vu la différence entre les deux irada. Ala kulli hal, الإرادة الكونية تحصل ولا بد قد يحبها ولا يحبها أي الله سبحانه وتعالى. Donc la volonté kawniya elle arrive forcément et cette chose qui arrive Allah il peut l'aimer, Allah il peut ne pas l'aimer. Et Allah سبحانه وتعالى il crée et il décide ce qu'il veut عز وجل. Et bien sûr tout ça c'est fondé sur le hikma, sur la sagesse. الإرادة الشرعية قد لا تحصل. Allah il veut une chose et c'est possible qu'elle n'arrive pas. Bien sûr, c'est fondé sur la sagesse, la hikmah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime forcément cette chose. Fa-mathalan, al-iman. C'est pas tout le monde qui croit. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut l'iman, l'ibad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-iman. Fa-hadhihi khulasa mukhtasara de hadhayn al-qismayn que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité. Ala kulli hal, fa nahnu nuthbit al-mashi'a. والإرادة بقسميها شرعية وكونية. تنبيه آخر. Si vous avez compris هذا فمن الخطأ de dire أن المشيئة تنقسم إلى قسمين ثم de dire مشيئة شرعية ومشيئة كونية. لا, المشيئة c'est l'إرادة الكونية, il n'y en a qu'une. أما ce qu'on divise en deux, ce que les ulama ils ont divisé en deux, c'est l'إرادة. فتنبه لهذا. Donc tu as الإرادة شرعية وكونية. الكونية بمعنى المشيئة. فالمشيئة هي إرادة الكونية. Tu peux pas la diviser en deux. Ce qui est divisé en deux, c'est الإرادة. هذا تنبيه مهم. Et ceux qui n'ont pas tout saisi, inshallah تعالى في شرح الواسطية, فالعلماء détaillent قليلا. Et quand vous aurez le livre sous les yeux avec le شرح d'un savant de la Sunna, inshallah تعالى, ça sera plus clair. فceux qui ont réussi à comprendre هذا الكلام فطيب, ceux qui n'ont pas tout saisi, فالأمر سهل. On ne l'aurait pas cité si Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه il n'avait pas précisé هنا أن الإرادة se divise en deux. وإلا إن شاء الله هذا c'est prévu dans d'autres livres. قال ومنه أي مما نثبت لله عز وجل الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. نعم. فعلى كل حال dès qu'on a un دليل من الكتاب ومن السنة أن الله سبحانه وتعالى إلى تل صفة فنقول الله سبحانه وتعالى إلى تل صفة. قال ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه والثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء. الإعياء أي التعب, لا فاتيغ. الموت سيكونو, النوم كذلك, le fait de dormir. السنة تقدم معنا, c'est مقدمات النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنوم c'est plus fort. السنة c'est le fait de somnoler, le début, quand واحد commence à s'endormir, il commence à fermer les yeux, à fatiguer, c'est ça السنة. Les deux bien sûr Allah سبحانه وتعالى نفاهما عن نفسه عز وجل. قال والإعياء, الإعياء c'est التعب, c'est la fatigue. العجز c'est l'incapacité. قال والظلم, هذا واضح. والغفلة, هذا واضح كذلك. الغفلة, الغفلة ça montre أن الإنسان عيادا بالله, cette صفة c'est du نقص في حق الله عز وجل, لا شك. أما في الإنسان نعم الإنسان يغفل كثيرا أما في حق الله لا الغفلة c'est l'insouciance ça montre que l'insan il oublie certaines choses il fait pas attention à certaines choses أما الله سبحانه وتعالى فبكل شيء عليم قال والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك نعم ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد Donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait un nafsi. Al-mathil, c'est l'identique. Et kuf'un, ça ressemble. Laysa kamithlihi shay', lam yakun lahu kufuwan ahad. On avait dit, c'est la même ma'na taqriban. Fahadhihi as-sifat n'a fait Allah subhanahu wa ta'ala an nafsi. Donc tout ça, jusqu'à ce point, on l'a vu, walillahi alhamd dans les qawa'id. قال شيخنا عثيمين ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة فلو سأل السائل هل نثبت لله تعالى جهة donc parmi les alfab dont on n'a pas de dalil من حيث الإثبات ومن حيث النفي لفظ الجهة et on répète أن هذا اللفظ c'est pas du نقص مطلقا on aurait appliqué la règle en Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas lui attribuer un attribut où il y a une imperfection, il y a un manquement il a akhir. فهذا اللفظ الجهة لا نفي ولا إثبات. On n'a pas de dalil لا على النفي ولا على الإثبات. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فلو سأل السائل هل نثبت لله تعالى جهة واحد peut se demander الآن est-ce qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est في جهة فنثبت هذا الوصف لله est-ce que Allah il est dans une direction et نثبت هذا اللفظ قال رحمة الله عليه قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا on a pas de dalil أن الله il est في جهة on a pas de dalil في النفي أن الله il a pas de جهة قال ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء ça c'est une فائدة عظيمة أن هذه الألفاظ comme الجهة comme الجسم إلى آخره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى نصتي quelques-uns في التدمورية فهذه الألفاظ فالحقيقة تتخوغ أن لفظ في الكتاب وفي السنة يغني عنه c'est pour ça que on n'a pas besoin de dire أن الله عز وجل il est في جهة لماذا لأن هذا اللفظ يحتمل حقا وباطلا واحد il peut comprendre أن الله في جهة il peut comprendre quelque chose de faux Et واحد, il peut comprendre qu'Allah est في جهة, Allah il est au-dessus, quelque chose de correct. فعلى هذا, on a un lafz في القرآن وفي السنة qui n'implique pas هذا, et quelque chose de faux. أن الله عز وجل il est في العلو. وهو العلي العظيم. الرحمن على العرش استوى. On a plusieurs adillah, أن الله سبحانه وتعالى il est في السماء. Et il est au-dessus de sa créature. Donc, في الحقيقة, هذا اللفظ, on n'en a pas besoin. لكن قال شيخ ابن عثيمين وأما معنى فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله السفل c'est le contraire de العلو العلو c'est au-dessus السفل c'est en bas فقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله إما الجهة la direction واحد il va penser au-dessus et un autre il peut penser en dessous قال أو جهة علو لا تحيط به هذا يبقى يدتعي ونرغبين على سن كلام قال فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع أي expliquer الجهة la direction par en bas ça c'est باطل et c'est très très grave لأن الله عز وجل il est au-dessus et vous avez remarqué que le nom avec ce sens il contredit القرآن والسنة العقل والفطرة والإجماع les cinq نوع de دلالة le Coran ou le Sunna la raison le fitra et كذلك l'unanimité des savants donc واحد si nous dit al-jiha et on lui demande qu'est-ce que tu veux bil-jiha il nous dit Allah il est en bas yadam billah enfin on lui dit hada c'est batil et on lui dit délaisse hada Allah subhanahu wa ta'ala il est fi sama il est fi l'ulu il est au-dessus de sa créature on lui explique et on lui ordonne de délaisser hada al-kalam al-batil ça c'est أولا الثاني قوله أو جهة علو تحيط بالله قال باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته الإحاطة يترجم par cerner أي عياذا بالله هنا في جهة العلو تحيط به, تحيط بالله عز وجل, أي كأن الله سبحانه وتعالى il est à l'intérieur de sa créature, il est cerné, il est entouré par des créatures. هذا كذلك سباط. لماذا؟ لأن الله عز وجل أكبر وأعظم. فالله سبحانه وتعالى il est au-dessus de ses créatures. وهو يحيط بهذه المخلوقات علما وقدرة إلى آخره. أما مخلوق يحيط بالله عز وجل, ça c'est très très grave. Ça c'est باطل. S'il veut avec le jihad, ce معنى, on lui dit كذلك. On lui dit كذلك. Sallaf dit aucun dalil في القرآن في السنة. Et cette explication que tu as de Sallaf, c'est très très grave. ثالثا, قال حق أي قوله أو جهة علو لا تحيط به. Ça c'est حق. أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus. Et كذلك سبحانه وتعالى il est pas à l'intérieur de la créature. Et أن الله عز وجل il sait tout, il voit tout. هذا c'est حق. فسي المراد بالعلو أو plutôt أقصد الجهة. Si le sens voulu, c'est ce sens, en Allah, il est au-dessus. Fait comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. On a un lafd dans le Coran ou dans le Sunna, al-ulu, on n'a pas besoin d'utiliser al-jihad. Vous avez compris l'un, pourquoi al-ulama, ils mettent en garde contre al-alfad al-mujmala, khasatan fi hadha al-bab al-azim. Lian al-jihad, la direction, en tant que sunni, tu peux comprendre al-jihad directement al-ulu. Non, Allah, il est en direction de l'ulu, il est au-dessus de la créature, ça c'est haq. Lakin, vu que le lafd, wahid, il veut t'entendre dire al-jihad, et où il comprend la direction, et en Allah, il est à l'intérieur de sama, il est dans sa créature. Ou, iyadam billah, il est à droite, à gauche, ou en bas. Ah, là, c'est très très grave. Et vous comprenez, kadhalik, pourquoi, hadha al-wasf, il est pas cité dans le Coran ou dans le Sunnah. لماذا il est pas cité dans le Coran ou dans le Sunnah? Par rapport à une règle, taqaddamat ma'ana, tfaddal. أحسنت أن صفات الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما الجهة يحتمل الكمال ويحتمل النقص. فالله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. الله سبحانه وتعالى إلى ستة أن لف أنه لا يحتمل نقصا العلو. قال والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. اي نعم هنا plusieurs adillah على هذا. أن الله c'est العلي, ça fait partie des noms d'Allah سبحانه وتعالى. On lui attribue كذلك صفات العلو. Et Allah سبحانه وتعالى il est فوق خلقه. أأمنتم من في السماء أي على السماء. لأن البعض هنا ils ont une شبهة, ils ont une شبهة أنهم ils ont pas compris الأدلّة التي فيها في السماء. لماذا؟ لأن البعض ils sont restreints dans la langue arabe. Il y a des gens qui font des traductions langue arabe en français mot à mot. Wa ashkal alayhim hada. A'amintum man fi as-samaa fi surat al-mulk. Wa hadith Muawiyah ibn al-Hakam radiyallahu anhu wa hadith al-Jariya ayna Allah qalat fi as-samaa. Fatu hadhihi al-alfaz fi. Ba'dhum yatraduisent fi as-samaa ay dans les cieux. Et en langue française dans les dharfiyya c'est comme fi une ma'na en langue arabe. L'eau elle est dans le verre, elle est dans le verre, elle est pas au-dessus du verre. Tu es dans la maison, tu es à l'intérieur, tu n'es pas au-dessus. Lakin en langue arabe, l'offre de fi, ça peut être dorfiya, bima'na dans en français. Et ça peut être bima'na ala. Na'am, la usallibannakum fi judu'in nakhl. Ay ala judu'in nakhl. Quand Fir'aoun il a dit, je vous crucifierai fi judu'in nakhl. Si tu traduis littéralement fi par dans les troncs d'arbres. Tu ne peux pas crucifier quelqu'un dans un tronc. Il ne va pas ouvrir le tronc et le crucifier à l'intérieur. Là, on a fi, c'est bimana ala. Kadalik yamshuna fil ard. Yamshuna fil ard. Et ala ard, au-dessus. Tu ne vas pas marcher à l'intérieur de la terre. Fil ard, c'est au-dessus de la terre. Enfin, en langue arabe, fi, ça peut être bimana al-dharfiya et ça peut être bimana ala. Et là, chaque année, on a c'est bimana ala. Ala kulli hal, c'est une précision pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa créature. Et si l'offre de l'jihad, c'est هذا le معنى, on dit que le معنى est صحيح, mais remplace le l'offre par un l'offre مشروع. Tout ça ne stabilise pas une faïda عظيمة, et on l'a déjà expliqué ensemble. أن الإنسان ينتبه quand il parle في دين الله عز وجل, les alfades qu'il utilise. Il y a des alfades, c'est des alfades مجملة. Que ce soit في العقيدة, que ce soit في المنهج, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans tous les domaines. Wahid, il peut comprendre quelque chose de haq et un autre, il peut comprendre quelque chose de batil. Si son offre n'est pas cité dans le Coran ou dans le Sunna, délaisse-le. Comme il y a des gens qui ont بل ابن القيم رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم دمتخنا من أعظم أسباب الانحراف والضلال هذه الألفاظ المجملة كي سيغيبوندو في الأمة الإسلامية اي نعم فهذا تو مثال دون سو درس avec لفظ الجهة قال رحمه الله ودليل هذه القاعدة السمع والعقل تقدمت معنا بعض الأدلة فنقرأ قال فأما السمع فمنه قوله تعالى السمع القرآن والسنة قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم توسئ أدلة في الاتباع في الإيمان بالله عز وجل وفي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لا سيتي هذه الأدلة pour montrer أن الإنسان يثبت ما أثبته الله ويثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وينفي ما نفاه الله وينفي ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن يؤمن بالله ويؤمن بالرسول فيجب على الجميع طاعة الله وطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل سيأكسبتي tout ce qui est fait le Coran ou fait le Sunna. Est-ce que ceux qui ont rejeté certains attributs, ils ont appliqué ces versets? Abadan. Aïna l'iman bil Coran, ceux qui disent Allah il n'a pas de sam, il n'a pas de basar, Allah il est partout. Aïna l'iman bil Coran. La chèque anna hum ils ont un khalal. Ba'adhum c'est des kafara kal jahmiya. Fa'ahum ils disent, hatta hada l'Coran, al-azim ils disent c'est pas kalam Allah, ils disent il est makhlouk. Ha'oulas des kafara. Et ba'adhum c'est des dhullal. بعض المحرفة إلى آخره انحرفوا عكوز دو سيغتين شبه عيادا بالله يؤمنون بالقرآن لكن يزون دي الشبه إي سيسون إيقاقية لا شك أن في إيمانهم نقص وفي اتباعهم خلل لا شك أنهم يزون أن موكمون أن نلغ موكمون دلوغ إيمان دلوغ سويفي دو بروفيت عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم سي سو كي يون أبليكي لو ميو سي فيرسي أبخي لو بروفيت عليه الصلاة والسلام فآمنوا بجميع الصفات آمنوا بجميع الصفات وبجميع الأسماء كي سون سيتي في القرآن وفي السنة لا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تفويض ولا شيء من هذا الانحراف فالواجب علينا سي دو سو سوميتر on a un délil في الصفات أو في الأسماء فأون أكسبت on n'a pas compris le sens on revient au savant de la Sunna et on fait attention à des choses graves في هذا الباب شيخ ابن عثيمين il avait cité une règle لا تكييف والتمثيل نؤمن بالصفة لكن sans faire de تكييف لماذا لأننا لا نعلمها on ne sait pas le comment aller cette صفة لا نعلم et on fait attention au تمثيل لماذا لأنه c'est du كفر ليس كمثله شيء il n'y a rien qui ressemble à Allah سبحانه وتعالى فهذا تقدم معنا قال الشيخ العثيمين رحمه الله إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن ما جاء في القرآن الأمر لأن ما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليه عند التنازع هذا رد على الذين أنكروا السنة قوم من الزائغين من الملحدين من الضلال ils ont prétendu أن القرآن c'est حق et أن السنة ça existe pas أي pour eux la source c'est que le Coran العلماء ils les appellent القرآنيون c'est من أبعد الناس عن القرآن لكن التسمية c'est نسبة sur ce qu'ils prétendent هم c'est comme القدرية ولا يؤمنون بالقدر Lakin al-nisba, c'est par rapport à ce qu'ils prétendent eux, ou la chose dans laquelle ils se sont égarés. Amma, ne pas croire annahum, ils ont appelé le Qur'an, yun, lima la liannahum ya'maloun bil Qur'an faqad. La ya'maloun la bil Qur'an ou la bil sunnah. Kama qal shir m'udhimin, lianna mimma ja'a l'iman bihi, fi le Qur'an l'azim, c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma atakum ur-rasul fakhudouh. Wa ma nahakum anhu fantahou. C'est ça le sunnah. Ce verset, l'arrivée, il résume sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, ce qu'il nous a interdit de faire. Des paroles, des actes, et ce qu'il a accepté. Il a vu quelqu'un faire une chose, il a accepté. C'est ça, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fahum, ils prétendent croire au Coran et ils ont rejeté hadha al-asl al-azim. Et ça fait partie de la révélation. Et c'est le deuxième fondement. Et c'est la deuxième source plutôt d'épreuves. Le Coran, c'est la première, et Sunna. Et Inch'Allah Ta'ala, on expliquera l'égarement akthar de cette secte dans notre série de cours sur les sectes. Wa billahi tawfiq. Qala, wa rad ilayhi yakoun ilayhi nafsuhu fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'd wafatih. اي نعم قوله وما اتاكم الرسول فخذوه او قوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فالرد اليه يكون الى نفس اليه نفسه في حياته اي si on diverge dans quelque chose on doit revenir au prophète عليه الصلاه والسلام de son vivant il faut les revenir directement au prophète عليه الصلاه والسلام لماذا لانه il était vivant et après sa mort bien sûr à sa sunna. Les mahalali, sa sunna, c'est sa voix, c'est ses paroles, c'est ses actions. Alayhi salatu wassalam, on revient à sa sunna pour savoir qui c'est qu'al haq et qui c'est qui khalaf hadha al haq. Qala fa ayna al iman bil Qur'an liman istakbara an ittiba' al rasul sallallahu alayhi wa sallam al ma'mur bihi fi al Qur'an. Hadha sa montre une faida azima, an kullama al insan isui an nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullama son iman bil Qur'an il est qabl. Plus la personne elle suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ça montre que sa foi elle est forte. Plus l'insan il s'écarte du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de la voix du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, plus son iman il est faible. Et celui qui ne croit pas du tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il le dément, ou il l'insulte, ou il se moque de lui, il n'a pas d'iman du tout. Qala, wa ayna al-iman bil Qur'an liman lam يرد لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن كذلك سنمونتر أن الذي إذا تنازع مع أخيه ومع الشخص dans une مسألة ويحب الرجوع إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنمونتر أن إيمانه إلى قوي قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر et plus l'insan il accepte pas أو يسند لا جن فنعوذ بالله إلا على خطر فلا وربك لا يؤمنون قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون أي ceux qui ils reviennent pas إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخلاف إيه ونا ديتاي هذه المسألة كثيرة حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ نعم. أما celui qui n'accepte, il accepte pas à cause de son ignorance. بعضهم ils acceptent pas. لكن ça reste des مؤمنون. لكن لا شك أنهم ils ont un problème dans leur iman. لكن ils acceptent pas. لأنهم ils savent pas que c'est من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Ils pensent que c'est toi qui as inventé. Ils rejettent. C'est très grave ce qu'il fait. Normalement, il doit se renseigner, il doit demander une preuve. Il a akhiré. Mais ce n'est pas un kaf. Mais celui qui rejette alors qu'il sait que c'est sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il ne veut pas accepter, il est à la khatar. Mais celui qui ne fait pas parce qu'il a une faiblesse de foi, mais il accepte. Il dit na'am, cette chose, je sais que c'est haq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a légiféré, mais il ne l'a fait pas à cause de faiblesse de foi. Fahada, il a fait un péché comme beaucoup ils font de péché. Amma rejeté al-haq fahada, la shakannahu, c'est du kufr. Qala wa laqad qala Allah ta'ala wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana li kulli shay. Wa min al-ma'lum anna kathiran min umur al-shari'a al-ilmiyya wal-amaliyya ja'a bayanuha bis-sunnah. فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن هذا كلام جميل صحيح أن هذا سمونتخ أن السنة تبين وتشرح ما في القرآن الكريم يعني هناك plusieurs exemples manasik al-hajj, elles sont pas et les rites du hajj et de l'umra, ils sont pas détaillés dans le Coran al-Karim. As-salat, elle n'est pas détaillée dans le Coran al-Karim, du takbir jusqu'au taslim al-kayfiyya. Et كثير من العباد, tout ça tu trouves les détails dans le sunna. Ça montre que le Coran et le sunna, ils vont ensemble. Les deux c'est min wahyi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ajaban li ha'ula wa nas'al Allah as-salama annahum prétendent d'accepter le Coran et ils rejettent le sunna. Et ça montre al-kufr wa an-nifaq, a'yadan billah. Wa illa fa'al-mu'min ma min mu'min illa min nabi alayhi salatu wa salam. الضعف يحصل في ماذا في العمل c'est pour ça que ما من مؤمن الا من النبي صلى الله عليه وسلم et si c'est que c'est une sunna même s'il l'applique pas jamais il va critiquer insulter il est akhir ou prétendre que ça n'existe pas du tout عياذا بالله لا المؤمن يحصل له ضعف في التطبيق في العمل اما هؤلاء عياذا بالله ils ont dit il n'y a pas de sunna صحيح البخاري صحيح مسلم السنن والمسانيد والمعاجم وتوس ces livres des anciens savants et des savants contemporains qui ont cité les hadiths du prophète sallam qui les expliquent هذه المكتبه العظيمه ils l'ont rejeté لماذا لان الكفر لان الكفر فلا تشك في كفر هؤلاء aucun doute ان القرانيين c'est des kafirs وكفرهما العلماء ولله الحمد قال واما العقل فنقول اي دليل العقل ان نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه عز وجل ورسوله عليه الصلاه والسلام واما العقل فنقول ان تفصيل القول فيما يجب او يمتنع او يجوز في حق الله تعالى من امور الغيب التي لا يمكن ادراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه الى ما جاء في الكتاب والسنه هذا كلام جميل سد dernière phrase et en fait elle récapitule beaucoup de choses. Celui qui a compris هذا الكلام il comprendra beaucoup de choses في باب الاسماء والصفات. ان هذا الباب العظيم هذه المساله العظيمه اي معرفه الله سبحانه وتعالى باسماءه وصفاته connaître الله سبحانه وتعالى avec ses noms et ses attributs c'est من امور الغيب. On est tous d'accord, on n'a pas vu Allah, personne n'a vu Allah سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. Et الواجب علينا c'est de croire au Coran et tout ce qu'il y a dans le Coran et parmi les versets qu'il y a dans le Coran des versets sur les noms et les attributs d'Allah عز وجل donc on doit croire أن الله السميع أن الله البصير أن الله ليس كمثله شيء أن الله في السماء أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش في السنة كذلك أن الله ينزل أن الله يغضب tout ça نؤمن به لأن on a des textes on a qu'une chose pour comprendre c'est الوحي il n'y a pas de place on a pour la comparaison Allah il ne ressemble pas aux créatures. Il n'y a pas de place on a pour le ra'i, pour ton avis personnel. Il n'y a pas de place pour la déduction. Il n'y a pas de place pour l'ijtihad. Wahad il veut faire un effort d'interprétation, il ijtihad pour trouver un nom ou un attribut. Tout ça c'est min al-dalal. Enfin, on a c'est un nos qui juge. Un nos c'est une preuve du Coran ou de la sunna. Enfin, هذا الكلام il est jamil. Et cette qa'ida, on la résume. أن ما يتعلق بالإثبات والنفي ولله الحمد on l'a vu ensemble dans beaucoup de règles précédentes tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a affirmé في القرآن et son prophète صلى الله عليه وسلم في السنة فنثبته on dit que Allah il a tel attribut qui est cité dans le Coran ou le Sunna ما نفاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن ou في السنة فننفي comme la mort comme l'ignorance tout ça on a des preuves en Allah il n'a pas ses attributs enfin on dit Allah il n'a pas ses attributs thumma on a un autre point on n'a pas de dalil pour affirmer al-ithbat ou pour nier al-nafi on a fait une précision bien sûr si on n'a pas de dalil lakin c'est du naqs c'est quelque chose de mauvais c'est un manquement c'est une imperfection pure hadha la shak on le rejette walillahi al-mathalu al-a'la si c'est un lafz un mot ça peut impliquer quelque chose de parfait ou d'imparfait, quelque chose avec défaut ou sans défaut. Enfin, ce mot, on ne fait pas de nafi, on ne fait pas d'ithbat. On ne l'accepte pas en tant que sifa et on ne le rejette pas. Natawakkaf. On dit Allahu a'lam. Thumma, le sens, si le sens il est bon, enfin, on dira à cette personne, le sens il est bon, lakin tu as un autre lafd fil Qur'an. Mathalan al-jiha. S'il dit que le sens, c'est que Allah il est au-dessus, il est en direction du haut, al-ulu, et il est au-dessus de ses créatures, on lui dira hada al-kalam, il est haq, lakin tu n'as pas besoin de ce mot jihad. Dis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ali. Allah subhanahu wa ta'ala, il est fil ulu. Wa hakada. Et si c'est un sens batil, un sens faux, on lui montrera que ce mot, il n'est pas cité dans le Coran ou le Sunna, l'imada, l'yana, ça pouvait impliquer ce sens faux que tu as cité, fadélaisse le mot et le sens. Et tu lui montres, madhab ahl sunna, anna hada al-bab, c'est tawqifi. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, tawfiq wa sadab. هذه هي القاعدة الأولى من القواعد في أدلة الأسماء والصفات كشيخ ابن عثيمين إلى ستة رحمة الله عليه.